Isaac, de quoi est-ce que tu parles? Isaac, de quoi est-ce que tu parles? Isaac, je viens de t'entendre avoir une... Isaac, je viens de t'entendre avoir une conversation avec Mother. Je veux savoir comment il est possible que tu tiennes une conversation. Isaac, je viens de t'entendre avoir une conversation avec Mother. Je veux savoir comment il est possible que tu tiennes une conversation. Isaac, je viens de t'entendre avoir une conversation avec Mother. Je veux savoir comment il est possible que tu tiennes une conversation. Androsiane, capitaine, j'ai besoin de vous en salle des machines. J'ai un problème avec l'unité de maintenance, Isaac. Je pense que c'est lui qui a saboté le moteur. Androsiane, capitaine, j'ai besoin de vous en salle des machines. J'ai un problème avec l'unité... Androsiane, capitaine, j'ai besoin de vous en salle des machines. J'ai un problème avec l'unité de maintenance, Isaac. Je pense que c'est lui qui a saboté le moteur. Je suis obligée de faire ça. Je suis désolée, Isaac. Non, non, ça se peut pas. Ça se peut pas, tu ne dois pas. Je suis obligée de faire ça. Je suis désolée, Isaac.